n'y a pas de doute, ou en tout cas de moins en moins, et que les preuves fossiles s'accumulent, la paléoanthropologie continue de se quereller autour d'un sujet particulièrement sensible dans l'évolution du genre homo, le cannibalisme. S'il est indiscutable que des faisceaux de preuves conduisent à penser à des pratiques cannibales, et ce chez plusieurs espèces, et jusqu'à Homo sapiens d'ailleurs, les raisons de ces pratiques restent sujets de controverse. S'agit-il d'un cannibalisme nutritionnel, manger de la viande pour se nourrir? S'agit-il de pratiques rituelles, de cérémonies, voire d'un élément dans la compréhension de l'extinction de certaines espèces? Le débat reste encore vif. Cannibalisme, préhistoire d'un tabou, c'est le programme Carnivore qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre les raisons de ce débat, la complexité d'interprétation du registre fossile et des traces paléo-archéologiques des différents sites où l'on suspecte des pratiques cannibales, eh bien nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Bruno Moreil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS, docteur en anthropologie biologique à l'université de Bordeaux 1. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Hérault à Montpellier avec Georges-Guy Lescuret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS et chercheur au centre Norbert Elias à Marseille. Mais avant de sortir le rond de serviette paléolithique, en entrée comme chaque jour, la synthèse de l'actualité scientifique du jour, c'est avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal des sciences avec l'élaboration aux Pays-Bas d'un prototype d'utérus artificiel. L'Union européenne vient d'offrir près de 3 millions d'euros de subventions aux chercheurs de l'université de technologie d'Eindhoven. Alors pour le moment, ce ne sont que les prémices de ce projet, mais ce que l'on peut en dire, c'est qu'il s'agit d'un utérus artificiel destiné aux grands prématurés, ceux qui naissent entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire à la limite de la viabilité. Contrairement aux couveuses classiques, cette machine va tenter de reproduire un environnement utérin liquide. Pendant 4 semaines, l'enfant devrait baigner dans un liquide amniotique de synthèse avant de retourner dans un incubateur traditionnel. Nadège Roche-Labarbe est biologiste et maître conférence à l'université de Caen et au service de néonatologie du CHU de Caen. Le problème de la naissance prématurée, c'est que ces enfants naissent à un moment de leur développement où les poumons ne sont pas matures et du coup ne sont pas capables de capter l'oxygène de l'air aussi efficacement que les poumons d'un nouveau-né à terme. Et donc, l'intérêt du prototype qui est proposé dans ce projet, c'est qu'on met l'enfant dans un liquide, mais surtout, son sang est oxygéné par un système d'oxygénation par cannulation dans le cordon ombilical, et le sang est oxygéné par une pompe à oxygène, un placenta artificiel, si vous voulez, qui va oxygéner le sang, et le sang va entrer oxygéné par le cordon ombilical de l'enfant, repartir par le cordon également par une veine et passer à travers ce fameux placenta artificiel. En fait, le problème qui se passe au niveau de cette circulation extracorporelle et de ce placenta artificiel, c'est qu'il faut faire à un moment la connexion entre le cordon ombilical et le système mécanique avec des canules qui rentrent dans la veine et dans l'artère du cordon ombilical. Et à ce niveau-là, au niveau de la connexion entre ce qui est biologique et ce qui est mécanique, il peut y avoir un début, on va dire, de coagulation, des infections. Donc en fait, toute la difficulté, c'est cette interface entre le bébé et la partie mécanique. Et pour ces raisons-là, d'ailleurs, dans le projet, il est bien indiqué qu'il ne s'agit pas de faire une grossesse complète dans cet utérus artificiel, mais simplement de les laisser 3 à 4 semaines, le temps qu'ils grandissent un petit peu, donc passer de 24 semaines à 28 semaines de grossesse, puis qu'ils finissent leur croissance en couveuse, parce qu'on ne peut pas les laisser plus longtemps que ça. Pour l'instant, on ne sait pas le faire. Et on passe au bref du jour. Le télescope spatial Hubble vient de photographier la comète interstellaire de I. Borisov. C'est l'image la plus précise de ce deuxième objet interstellaire qui traverse en ce moment notre système solaire. Ce que révèlent les analyses et les observations, c'est qu'elle est très différente de Oumuamua, le premier objet interstellaire détecté en 2017. Si Oumuamua ressemblait à une roche, de I. Borisov ressemble à une comète active. Sa structure, sa composition chimique, toutes ses propriétés sont similaires aux comètes de notre système solaire, alors qu'elle proviendrait de la constellation de Céphée à plus de 13 années-lumière de la Terre. Une entreprise canadienne de camouflage vient d'inventer un écran d'invisibilité capable de dissimuler des soldats ou des bâtiments. La société Hyperstills vient de publier ses brevets et une vidéo. On voit sur un bureau un écran clair et transparent qui laisse apparaître le reste de la pièce. Mais lorsque la caméra bouge, on voit que l'écran cachait en fait un objet. Cette cape d'invisibilité fonctionne grâce à des rangées de lentilles cylindriques sur une feuille plate qui sont capables de courber la lumière. La lumière est réfractée sur le matériau de façon à fusionner avec des parties de l'arrière-plan, ce qui crée ainsi une zone neutre derrière laquelle se cacher. Le procédé reste limité, mais selon la société, il pourrait s'améliorer facilement. Et enfin, une étude parue dans PNAS fait un lien direct entre la déforestation et la propagation du paludisme. Les chercheurs de l'université de Stanford ont recoupé 13 ans de données de télédétection par satellite de la forêt amazonienne brésilienne. La relation entre les deux n'est pas très claire, mais plus la déforestation a été intense, plus la région a été touchée par le paludisme, ce qui, par la suite, a entraîné une diminution du taux de déforestation. Cette étude est une nouvelle évidence que les liens entre santé humaine et environnement sont enchevêtrés. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le journal, pour le grand journal des sciences du vendredi avec une partie donc de journal de la science-fiction puisque ce sera un vendredi fiction demain. Vous pouvez retrouver ce journal sur le site de France Culture, franceculture.fr et toutes les études qui ont été évoquées via notre fil Twitter également, @laméthodefc, que vous retrouvez si vous n'êtes pas abonné à Twitter sur la page de la méthode scientifique, encore sur franceculture.fr. Tout ceci étant dit, nous en venons à notre sujet du jour, l'un des grands tabou de la paléoanthropologie, ou du moins cela l'a été de nombreuses années. Aujourd'hui, il y a plusieurs sites à des époques très différentes qui laissent penser que les genres homo ont de longue date pratiqué le cannibalisme. Reste à savoir comment et pourquoi. Un cannibalisme alimentaire, une habitude de consommation de nos pères à des fins de nourriture. Oui, mais pourquoi pourrait-il être lié à des périodes de famine, de disette, voire de changement climatique, une sorte de cannibalisme de la dernière chance, mais ne serait-ce pas tombé à nouveau dans ce biais qui nous pousse à ne pas vouloir accepter que nos ancêtres puissent avoir cette pratique qui fait horreur à nos yeux contemporains? Ou alors s'agit-il d'un cannibalisme rituel, rite funéraire, rite guerrier? Mais à ce moment-là, comment le prouver? Comment faire la différence? C'est un travail d'autant plus complexe qu'il repose sur un tabou très puissant, d'où cette controverse qui n'en finit pas entre paléo-anthropologues, comme en témoigne cette archive, extrait de l'émission Concordance des temps sur France Culture. Nous sommes en 2003. Il y a un certain nombre d'années, on avait découvert en Croatie, à Krapina, dans une grotte, les restes d'une quinzaine de sujets qui avaient été totalement désarticulés, avec les os cassés, fracturés, et ces restes étaient mêlés aux restes de faune. C'est pour ça qu'on pense qu'ils ont été mangés. Et on pense qu'ils ont été mangés. Mais cela pose une question aux préhistoriennes. D'abord, un certain nombre de préhistoriennes n'admettent pas le cannibalisme, peut-être pour des raisons qui sont des raisons philosophiques aussi, on ne sait pas trop. En fait, il semble que le cannibalisme obéisse surtout à des buts, à des raisons rituelles. Et là, vous savez, on a tendance à faire la différence entre un endocannibalisme, c'est-à-dire lorsque l'on consomme des gens de son propre groupe, pour conserver les qualités, par exemple, pour s'imprégner du corps d'un parent. Alors là, on peut même dire que c'est un acte rituel qui tend à la sublimation, d'une certaine façon. Et puis ensuite, vous avez l'exocannibalisme, c'est-à-dire on peut manger une partie du corps d'une personne d'un autre groupe. C'est souvent un guerrier que l'on a vaincu. Alors le vainqueur, évidemment, mange les restes de son ennemi pour capter, en quelque sorte, son énergie, en même temps pour l'empêcher de revivre. Peut-être aurez-vous reconnu le bel accent carcassonnais de Jean Guilaine, archéologue, au micro de Jean-Noël Jeannet. Une réaction à ces propos de Jean Guilaine, Bruno Moreille. Oui, Jean souligne un élément clé de la réflexion qui est celle de beaucoup de préhistoriens, de paléanthropologues, quand ils sont confrontés à cette question, à savoir qui sont les mangés, qui sont les mangeurs. Et en fonction de la réponse que l'on peut apporter, on peut essayer d'en déduire effectivement la cause de ce cannibalisme. Maintenant, pour les périodes anciennes de la préhistoire, et Jean Guilaine faisait allusion à un site qui a livré des pré-néandertaliens, vieux de près de 125 000 ans, On ne sait pas si les personnes qui ont été mangées à Krapina, je pense qu'à Krapina nous sommes bien en présence d'un assemblage lié à des activités cannibales, étaient les individus du groupe qui les consommait ou pas. Nous avons 30 individus, j'en souligne la présence d'une quinzaine, il y en a beaucoup plus que cela. Les restes osseux sont bien conservés, bien représentés, ce qui est un petit peu troublant et ce qui avait amené Eric Trinkos, qui est un grand paléoanthropologue américain, et un de ses étudiants, a plutôt proposé l'hypothèse que nous soyons en présence de gestes funéraires secondaires qui auraient pu avoir été mal compris suite aux techniques de fouilles de la fin du 19e siècle, particulièrement violentes. Georges Guy Escuret, une réaction à ces propos de Jean Guilaine et au fait que, évidemment, cette question du cannibalisme, elle est déjà compliquée, on va l'entendre et on va en parler au cours de cette heure, à établir sur un terrain de fouille, mais elle est d'autant plus compliquée à traiter parce que, eh bien, forcément, elle touche à quelque chose d'extrêmement tabou aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines. Oui, tout à fait. Krapina est un cas extraordinaire. Il y a des préhistoriens qui disent 15 individus, d'autres 80. Il y a un cas, il y a quelque chose de particulier, c'est que, je parle sous le contrôle de Bruno Moreil, il semble qu'il y ait quand même pas mal de jeunes hommes. Il y a une proportion relativement importante de jeunes hommes, selon certains auteurs, et qui indiquerait que les événements ont été particuliers. Par ailleurs, c'est deux couches contiguës, et au milieu d'un ensemble de neuf, donc il y a eu un événement. Mais ça, c'est sur Krapina, il y a vraiment énormément de choses. Et c'est vrai que dès qu'il y a quatre cannibalismes en préhistoire, c'est une réaction un peu inverse de ce qui se passe en anthropologie. En anthropologie, on évite. En préhistoire, ça attire des fonds pour faire les fouilles. Ça a été le cas assez souvent en 80-90. Immédiatement, il y a un phénomène de curiosité qui se passe. Et personne dans les sciences humaines n'a une réaction sereine, normale ou rationnelle vis-à-vis du cannibalisme. Peut-être peut-on dire, en guise d'introduction, Bruno Moreil, qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de doutes sur le fait qu'on trouve des pratiques cannibales chez beaucoup d'espèces du genre homo. On va comprendre qu'il est compliqué de les interpréter, mais qu'il y a peu de doutes sur le fait qu'il y a des sites qui prouvent aujourd'hui, ou je ne sais pas, je vous laisse commenter ça. Totalement, complètement. Je pense que le sujet du cannibalisme est toujours un sujet très difficile à investir scientifiquement. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de proposer l'hypothèse que le cannibalisme soit l'hypothèse la plus simple permettant d'expliquer des caractéristiques que l'on va retrouver sur les restes osseux et dont je pense nous parlerons. Mais en fonction de la façon dont on travaille maintenant, et il y a eu des travaux fondateurs, je pense particulièrement à celui de Tim White, publié sur un site du sud des États-Unis, Los Mancos, qui a proposé une méthodologie pour investir cette question. On peut considérer que sur des assemblages très anciens, vieux de près de 800 000 ans, c'est le gisement de Grandolina avec le fameux Homo antécessor, nous sommes en présence d'un assemblage où les restes humains ont probablement se sont accumulés là en raison d'activités cannibales. On a cela pour Néandertal, on a cela pour les premiers hommes anatomiquement modernes. Homo sapiens, donc. Homo sapiens ou Homo sapiens sapiens, ça dépend comment on les définit, c'est un vrai sujet. Et on a cela pour des périodes beaucoup plus récentes, à l'âge du fer, au néolithique, sans aucun doute possible. Et donc une sorte de tuilage effectivement vers l'ethnologie et l'anthropologie. Peut-être un mot, Georges Guy Escuret, finalement, des pratiques cannibales, on en trouve dans le règne animal, pourquoi pas chez l'homme? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de s'y confronter et de les regarder chez l'ancêtre d'Homo sapiens, ou les ancêtres? Chez les animaux, les pratiques cannibales sont extrêmement variées et finalement, il y a quelque chose, plus on s'approche des mammifères, des singes et de l'homme, et plus on fait des analogies entre le cannibalisme chez les singes et le cannibalisme humain, avec cette idée dans la tête que le cannibalisme serait quelque chose d'antédiluvien, de préhistorique, d'anhistorique, c'est-à-dire hors de l'histoire. Et ça amène à des sottises monumentales. On a découvert des cas de cannibalisme chez les chimpanzés de Gombe en Ouganda, et on a immédiatement un grand auteur comme Jane Goodall, qui est une primatologue extraordinaire, a immédiatement fait des analogies avec le cannibalisme en Amérique du Sud sur les guerriers. Le problème, c'est que les chimpanzés, les cas de cannibalisme qu'on a, ce sont sur des enfants. Et en général, ils sont réalisés par des femelles tueuses qui ont visiblement des problèmes psychologiques importants. C'était un phénomène de crise. Et par ailleurs, il se trouve qu'on a plusieurs cas de cannibalisme en Ouganda, dans la réserve de Gombe, mais qu'on n'en a jamais trouvé, par exemple, chez les chimpanzés de Côte d'Ivoire. Vous voyez, ça devient... on passe immédiatement à des analogies avec l'homme, alors qu'on ne fait pas la comparaison entre les groupes et les populations de chimpanzés qui ont des contextes différents. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc de paléo-cannibalisme, du cannibalisme chez les différentes espèces du genre homo. Nous en parlons avec Bruno Morel et avec Georges Guillescuré qui est avec nous en duplex depuis Montpellier. Alors on va définir exactement de ce qu'on entend par cannibalisme. Mais peut-être un mot pour dire tout de même que, pour rebondir sur ce que vient de dire Georges Guillescuré, Bruno Morel, c'est vrai que le cannibalisme a longtemps été associé, y compris chez les préhistoriens, y compris chez les paléo-anthropologues, à une forme de sauvagerie. C'était très associé, par exemple, à Néandertal, quand Néandertal était cette espèce de cousin arriéré, brutal, très très loin d'Homo sapiens, tel qu'il a été caractérisé pendant de nombreuses années. Complètement, vous avez complètement raison. Quand Gorjan-Louis Gramberger fouille le gisement de Krapina, il va très rapidement proposer cette hypothèse du cannibalisme sur la base de traces de découpe qu'il voit sur certains ossements ou certains ossements qui présentent des traces de brûlure. Et cette hypothèse du cannibalisme, associée à ce néandertalien, va être acceptée tout de suite. Et on va la garder pendant toute l'histoire des hommes de Néandertal, jusqu'à très récemment, où nous avons réinvesti des sites pour essayer de la démontrer scientifiquement. Alors que, parallèlement à cela, les premières sépultures néandertaliennes étaient très fortement critiquées. Donc il y avait cette idée, population non anatomiquement moderne, ce ne sont pas des ancêtres, c'est obligatoirement des êtres préhistoriques particulièrement violents, brutaux, bestiaux. Et cette façon de percevoir l'homme préhistorique cannibale est toujours un problème scientifique quand on veut aborder ce sujet. C'est-à-dire qu'on aborde un sujet qu'il est complexe d'étudier parce qu'on y met derrière des valeurs qui sont pas forcément celles des peuples cannibales quand ils ont consommé leurs contemporains. Georges Guillescuré, qu'est-ce qu'on entend d'ailleurs par cannibalisme? Est-ce qu'il faut parler de cannibalisme, d'anthropophagie? Cannibalisme, c'est vrai que c'est très connoté, là aussi, le signifié derrière cannibalisme était beaucoup plus violent que celui qu'on pourrait mettre derrière anthropophagie, qui a finalement une sorte de relent un peu plus scientifique ou un peu plus distant. Alors, le mot cannibale, c'est le premier mot qui franchit l'Atlantique d'ouest en est. C'est Christophe Colomb qui le ramène, et il est dérivé de Caribes, c'est les Caraïbes. Les premières rencontres que fait Christophe Colomb le mettent en face du cannibalisme, et c'est immédiatement un énorme sujet de discussion au début du XVIe siècle à travers toute l'Europe. Les premiers livres imprimés ont beaucoup concerné le cannibalisme, et ils ont eu 10, 15, 20 éditions. Et le mot cannibalisme fait une synthèse entre deux phobies de la civilisation occidentale. La première, c'est ce que les Grecs appelaient l'allélophagie, c'est-à-dire se manger les uns les autres, ce qui est politiquement incompatible avec la construction de la cité. Ils avaient deux monstruosités comme ça qui étaient parallèles et qui sont toujours dans l'histoire l'une à côté de l'autre. C'est les anthropophages et les Amazones. Un pouvoir féminin, c'est aussi monstrueux que le pouvoir anthropophage. Et ensuite, vient à côté de cette phobie politique conçue par les Grecs, vient une phobie religieuse des monothéistes en général. Si Dieu a fait l'homme à son image, alors le corps humain a quelque chose de sacré. Et ceci fait une seconde phobie, une crainte sur le caractère sacrilège de manger un être de la même espèce. Et ça, les deux phobies, maintenant, à partir du XVIe siècle, se confondent et deviennent quelque chose d'obsessionnel. Bruno Morel, en paléoanthropologie, on parle bien aujourd'hui de cannibalisme et pas d'anthropophagie. Alors oui, on parle de cannibalisme parce que le cannibalisme inclut l'anthropophagie. l'anthropophagie devrait se limiter effectivement à la consommation de l'homme. Par l'homme, parce que quand il a été défini comme cela, le cannibalisme peut être un peu plus vaste en termes de sujets d'investigation, mais on essaie, enfin en tout cas certains d'entre nous, essayons de discuter l'implication du groupe, des individus qui vont consommer leurs contemporains. Est-ce que c'est quelque chose qui est accepté socialement par ces groupes préhistoriques? Et là, on va plutôt parler de cannibalisme, ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être plus accidentel ou le résultat d'un événement très particulier, et on pourrait plutôt aller vers l'anthropophagie. Bon, maintenant, globalement, on parle quand même de cannibalisme. Le cannibalisme inclut l'anthropophagie. Alors, concrètement, sur un site de fouille, quels sont les signes, qu'est-ce que l'on recherche, les indices qui poussent à conclure à une pratique cannibale? C'est la conséquence... Cette hypothèse, elle ne peut être présentée que quand on réussit à croiser, on va dire, trois ensembles de données. Les premières données, ça va être celles que vont nous fournir nos collègues lithiciens, spécialistes donc des outillages laissés par les hommes préhistoriques. Et le croisement des données que l'on a sur les outils et que l'on a sur la faune qui va être présente dans le gisement va permettre généralement de discuter la fonction du site. Et ça, c'est une des clés de la question, c'est-à-dire le site. Il a servi à quoi? Les hommes préhistoriques étaient présents dans ce gisement, qui nous ont laissé les vestiges, étaient là pour faire quoi? Et quand on a la chance de trouver dans ces gisements des restes humains, on va mener une étude taphonomique très précise. Et à partir du moment... Taphonomique, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va essayer d'étudier toutes les traces que vont nous livrer les restes osseux humains, qui vont nous permettre de comprendre leur histoire entre le moment où nous les retrouvons et le moment où au moins ils sont arrivés dans le gisement. Sous la forme de restes osseux ou alors sous la forme d'éléments de corps, de carcasses d'animaux ou humaines. Et là, on a la chance d'avoir eu les travaux très importants de Tim White et tout aussi importants de Bruno Boulestin, qui a beaucoup travaillé sur un site de Charente qui s'appelle la Grotte des Perras, peu de temps après la publication du travail de Tim White, où ces deux chercheurs ont montré qu'il était possible de discuter ces traces présente sur les restes humains, la nature de ces restes humains, dans la perspective de proposer l'hypothèse que cet assemblage osseux humain va aller dans le sens d'une exploitation de l'homme par l'homme pour en extraire des ressources alimentaires que l'on ne peut pas expliquer autrement. Alors justement, quand on trouve des traces, alors on parle communément de signes de traces de boucherie sur les os, qu'est-ce qui peut indiquer qu'il s'agit de traces de boucherie à vocation alimentaire et non pas de rituels post-mortem par exemple? Est-ce qu'il y a des indices particuliers qui font converger le faisceau de preuves vers l'établissement avec un très fort taux de certitude qu'il s'agit bien d'une pratique cannibale? Oui, tout à fait. Donc, on va essayer de comprendre quelle est la diversité de ces traces. On ne va pas s'arrêter sur les traces de découpe. Généralement, on proposait l'hypothèse du cannibalisme en fonction de traces de découpe. C'est certainement pas suffisant. C'est même pas un critère acceptable. Donc, il va falloir trouver des traces de découpe, parce que quand on enlève les parties molles sur une carcasse, ça fait des traces sur les os. Notamment la moelle osseuse, hein. On sait qu'on... Après, la moelle osseuse, voilà. Souvent, elle était consommée. Elle est consommée, elle est récupérée. Donc là, on va avoir de la fracturation sur os frais. La fracturation sur os frais, ce ne sont pas des traces de découpe. On va avoir la récupération des extrémités articulaires, parce qu'il y a la moelle rouge qui va être très importante, qui peut servir à l'alimentation également. On va avoir une différence de traitement. Par exemple, des os longs, ceux qui sont très riches en moelle, ils vont être fracturés. Ceux qui le sont moins, le seront moins. On va avoir une anomalie de représentation des parties du corps. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les hommes préhistoriques n'étant pas bêtes, quelle que soit l'espèce du genre homo, ils vont amener dans ces gisements, généralement, les parties qui sont les plus riches en ressources nutritives. Ils vont abandonner, là où l'être humain ou l'animal aura été tué, les parties les moins intéressantes. Les parties les plus riches étant ? Les membres, généralement, les membres supérieurs, les membres inférieurs, et la tête, peut-être pour d'autres raisons. Pour le cerveau. Mais on va, pour le cerveau, bien sûr. Oui. Probablement. Le cerveau, la langue, les joues, plein d'autres choses. Et on va généralement pas retrouver les troncs, par exemple. Georges Guillescuret, peut-être un commentaire sur ces faisceaux de présomption de preuves sur les sites de fouilles archéologiques. Je crois que effectivement, sur le plan méthodologique, dans les 30-40 dernières années, on a beaucoup avancé depuis Tim White et l'équipe méso-américaine. Et effectivement, maintenant, il y a des moyens d'assurer un cas de cannibalisme. Le problème, c'est que quand on trouve un cas de cannibalisme, il est très difficile pour un préhistorien ou pour un paléoanthropologue d'établir le contexte. Je veux dire, par exemple, on trouve des cas de cannibalisme dans des dépôts alimentaires où les os humains ont été traités de la même façon que les os animaux par ailleurs mangés. Mais comment interpréter ça ? Et si vous voulez, il y a eu des articles, là aussi, des extensions faramineuses. Il y a, à propos de Grandolina ou d'autres sites espagnols, des articles sont parus pour dire que le cannibalisme était un élément primordial d'un mode de production paléolithique. Et ça, c'est quand même totalement impossible, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'espèce humaine est biologiquement très spécialisée. Et que donc, si on pense que les hommes font d'autres hommes un de leurs plats alimentaires réguliers, eh bien l'espèce humaine s'effondre très vite, parce qu'elle n'aura pas le moyen de compenser la mortalité. C'est, je veux dire, une espèce humaine qui est dans une phase d'épanouissement démographique, elle augmente au maximum de 1-1,5% de la population par an. Alors imaginez que l'on mange 4 ou 5 hommes par an sur 100 individus, c'est une... Alors donc il faut pas... On a affaire à des phénomènes qui sont nécessairement accidentels, qui ont une signification. Est-ce qu'ils représentent des crises ou est-ce qu'ils... Mais surtout, il faut comprendre que nous avons peut-être beaucoup de cas de cannibalisme dans les vestiges paléolithiques parce qu'ils se sont mieux conservés que les autres. Imaginez que les gens qui meurent, si j'ose dire, normalement, soient n'aient pas de sépulture et soient mis à l'air libre, ils se transforment en poussière très rapidement. Par contre, les dépôts alimentaires, nous en avons beaucoup avec ou sans hommes. Alors, il y a peut-être une proportion supérieure de vestiges humains dans les sites paléolithiques, du fait qu'ils étaient dans des dépôts alimentaires. Votre opinion à ce sujet, Bruno Morey ? Oui, je serais plus prudent, dans le sens où trouver des restes humains, c'est toujours très rare. Dans les sites paléolithiques, c'est même l'exception. Il y a très peu de sites paléolithiques qui soient supérieurs ou moyens, qui sont fouillés tous les ans et qui livrent des restes humains. Il faut toujours penser que c'est rarissime. Et que c'est pas forcément dans les sites qui vont livrer le plus de restes humains. Je pense par exemple aux sites d'habitat, où on peut penser qu'on va trouver des restes d'individus inhumés ou des restes d'enfants qui vont être présents parce qu'ils ont perdu une dent de lait, que l'on va pouvoir discuter cette question du cannibalisme. Il faut trouver des gisements, au contraire, où l'homme a traité l'homme comme un gibier. Et ça veut dire que la fonction du site n'était pas celle de l'endroit où le groupe vivait, c'était celle où l'on venait traiter de la ressource alimentaire. J'ai eu la chance de fouiller un site comme cela en Charente. Georges Guillescuré, oui. Ce n'est pas contradictoire du tout avec ce que je disais. Ce que je veux dire, c'est que la proportion de sites où on a trouvé des ossements humains ayant pu être victimes de cannibalisme par rapport à la très grande maigreur des restes humains qu'on a par ailleurs est peut-être surévaluée. C'est une hypothèse qu'il faut avoir à l'esprit. Et alors, on va justement aller voir sur un site et voir ces traces, parce qu'on a parlé des indices forts comme des restes humains qui peuvent être associés à des restes animaux sur la même couche sédimentaire. Évidemment, c'est un indice fort. On n'a pas évoqué aussi, mais on peut trouver des traces de dents, des traces de dentition qui sont des traces de dentition. Il y a des expériences qui ont été menées de reconstitution sur des os animaux, bien entendu, qui permettent de valider la présence de traces de dents humaines sur des os. Mais on va aller, on va remonter assez loin, puisqu'on va aller dans les Pyrénées-Orientales, ou pas exactement, en tout cas, sur le site de Totavel, dans la Cône de l'Arago. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors vous n'êtes pas allé jusque dans les Pyrénées-Orientales, pour cause de budget, comme tout le monde sait, mais vous êtes allé au Musée de l'Homme, ce qui coûte moins cher à l'entreprise, pour comprendre comment Totavel cassait la croûte. Tout a été dit, cervelle, joues, fesses, langue, bref. On a retrouvé, en effet, dans la grotte de la Côte de l'Arago à Totavel, non loin de Perpignan, 151 restes humains sur des périodes allant de moins 700 000 ans à moins 100 000 ans. Et parmi tous ces ossements, 134 ont été retrouvés dans la couche sédimentaire datant d'environ 450 000 ans et y présentent des traces de cannibalisme. Amélie Vialet est maître de conférences en paléoanthropologie au Muséum d'Histoire Naturelle et elle nous explique comment on a pu établir cette pratique du cannibalisme, mais aussi pourquoi le cannibalisme de survie pourrait être exclu dans ce cas précis. Ces restes humains autour de 450 000 ans à la Côte de l'Arago, on les a étudiés d'un point de vue morphologique, métrique, et on a mis en évidence qu'ils présentent à la fois des caractères qu'on pourrait dire hérités, liés à Homo erectus, donc des individus un peu archaïques, primitifs, et également des caractères comme par exemple une face très projetée vers l'avant qui annonce déjà la face des Néandertaliens. D'un point de vue anatomique maintenant, ces ossements, à quoi ils correspondent? On a quoi comme, essentiellement comme type d'ossement? Alors là, c'est une question qui s'est posée donc, à différents spécialistes de notre équipe, non seulement les paléanthropologues, mais aussi les paléontologues, les archéozoologues, c'est-à-dire de se donner une idée de la représentativité squelettique de ces différents restes qui ont été découverts donc, tout au long de la séquence. Quand on rassemble en un seul et même individu, ce qui est présenté d'ailleurs au musée de Totavel, tous ces ossements, on se rend compte qu'il y a des lacunes, c'est-à-dire qu'il y a des os qu'on n'a jamais encore mis au jour. Alors ce n'est pas dû aux techniques de fouilles qui sont très précises, ce n'est pas dû à la conservation des ossements différentiels entre les petits et les gros par exemple, parce qu'on a des petits os qui sont conservés pour les restes d'animaux ou même pour les hommes, on a par exemple une phalange de la main qui est bien conservée. Donc c'est pas du tout une question de conservation, c'est donc très vraisemblablement une histoire de sélection, c'est-à-dire qu'on n'a pas apporté, on n'a pas laissé sur les lieux d'occupation tout le squelette et il y a une sélection de certaines parties qui a été opérée. Quelles sont ces parties? C'est essentiellement justement ce qui correspond au crâne, à la mandibule, tout le complexe crânien, ce qui correspond finalement au bassin, au fémur. Et en fait, si on réfléchit, on se rend compte qu'il nous manque la colonne vertébrale, il nous manque les côtes, il nous manque des parties anatomiques qui sont peut-être pas les plus nutritives. On a l'impression que finalement, quand on collecte le crâne, bah dans le crâne il y a le cerveau, quand on a cinq mandibules comme à l'Arago, bah il y a quand même la langue qui est assez volumineuse et qui peut être nutritive, et puis le bassin, les fémurs, évidemment c'est plutôt lié aux muscles fessiers. Là, on arrive en fait déjà un petit peu dans l'interprétation d'une pratique du cannibalisme dans cette grotte-là. C'est pas seulement une interprétation, je crois, puisque sur ces ossements qui ont été retrouvés, on a perçu des traces de découpe particulières. Est-ce qu'on pourrait regarder un petit peu à quoi ressemblent ces traces de découpe et pourquoi on a interprété ça comme du cannibalisme? Oui, donc en effet, la trace la plus directe, ce qui nous interroge le plus immédiatement quand on observe ces ossements, ce sont les traces laissées sur les ossements, parce que ce sont des traces qu'on appelle des traces de boucherie, qui sont celles qu'on observe sur les restes d'animaux qui, eux, ont été consommés. Donc il s'agit de traces de découpe, souvent, vous voyez, au niveau de l'insertion en fait, des muscles, et ces traces, vous voyez, ce n'est pas n'importe quelle trace, elles sont assez rectilignes, et quand on les étudie au microscope, on peut mettre en évidence aussi la section, qui est généralement en V, éventuellement asymétrique, de ces traces, dans lesquelles on peut même retrouver un petit peu de résidus au fond de cette section en V. Donc là, on est typiquement sur une trace sans doute laissée par un outil, donc une industrie lithique, utilisée par ces Homo heidelbergensis. Du coup, ces ossements-là nous prouve de façon assez indéniable que les cadavres, les personnes qui ont été découpées, l'ont été de façon très méthodique. Oui, on a un autre type de traces, ce sont les fractures. On est capable de faire la différence entre une fracture sur os frais, parce qu'elle va suivre une certaine dynamique et donc être une une fracture un peu en spirale, alors qu'une fracture d'enfouissement, par exemple, liée au poids des terres, elle va être plutôt perpendiculaire à l'axe de l'os. Donc on fait la différence entre une fracture sur os frais et une fracture liée à l'enfouissement. Ça aussi, c'est donc un critère pour mettre en évidence un geste de boucherie qui est identique à celui qu'on a sur les animaux et qui donc très probablement est effectué dans le but de la consommation. Alors là, on en arrive à la question un peu cruciale, c'est la question de l'interprétation de cette pratique du cannibalisme. Est-ce qu'à ces périodes-là, ils vivaient des famines tellement terribles qu'ils devaient manger leurs congénères, ou bien est-ce que, au contraire, ils mangeaient très bien, mais ils diversifiaient un petit peu leur menu? Alors, peut-être que c'est plutôt la deuxième alternative, parce que comme je vous l'ai dit, on retrouve ces restes humains sur des sols d'occupation qui sont jonchés d'ossements de grands mammifères qui ont été abattus, apportés là pour être consommés. Donc ces hommes ne mouraient pas de faim. Ils étaient certes dans des conditions rigoureuses, 450 000 ans, on a des conditions très froides, très fraîches à Totavel, mais il y a une grande quantité d'animaux, des chevaux, des rhinocéros, des rennes qui sont apportés dans la cavité et donc il y a de quoi se nourrir. Donc cette pratique du cannibalisme, elle ne doit pas être essentiellement nutritive ou alimentaire. Il doit y avoir un facteur autre qu'on ne maîtrise pas. Soit c'est de l'exocannibalisme, c'est-à-dire qu'on a réglé ses comptes avec le groupe d'à côté et puis en le consommant, on l'annihile définitivement ou au contraire, on s'approprie sa force, etc. Donc là, on rentre, vous voyez bien, dans un univers symbolique qu'on ne maîtrise pas du tout. Voilà les pratiques cannibales de l'homme et de la femme de Totavel. On va revenir plus largement dans les prochaines minutes sur cette question centrale de l'interprétation, mais peut-être un mot, une réaction à ce que vous venez d'entendre, Bruno Morey. Bah, je suis très content que des personnes continuent de travailler sur les restes de la cône de l'Arago, particulièrement du Solgé, pour discuter de cette question. La communauté scientifique savait qu'il y avait beaucoup de traces d'origine anthropique sur les restes humains de ces pré-néandertaliens. Mais il n'y avait pas réellement de travaux qui étaient consacrés sur cette série-là, donc je suis heureux de savoir que c'est en cours de réalisation. Georges Guillescuré. Alors il y a un point qui est un point de discussion. Le fait est, et Bruno Morey ne me démentira pas, que depuis un certain nombre d'années, les anthropologues et les préhistoriens se parlent très peu. Nous sommes très peu d'anthropologues à parler aux préhistoriens, alors que les préhistoriens seraient plutôt demandeurs. Et on a un phénomène sur ce genre d'interprétation. Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup d'autres animaux à côté signifie que le cas d'êtres humains manger ne serait pas un indice de besoin alimentaire? Non, pour simple raison, c'est que chez les espèces animales et de plus en plus ensuite chez l'homme quand il se spécialise écologiquement, eh bien il y a des phénomènes de crise. Et le cannibalisme, on ne peut pas le disjoindre d'un phénomène de crise. C'est toujours le problème et la difficulté d'interprétation. Quand on a affaire à un cas de cannibalisme, est-ce que c'est représentatif de mœurs ou d'un mode de vie, ou est-ce que c'est représentatif d'un événement, d'une situation critique qui a conduit au cannibalisme? Et ça, les préhistoriens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, et pour des raisons très objectives, à pouvoir avancer dans cette direction. C'est tout de même ce dont il va être question dans la seconde partie de cette émission, et on entendra l'opinion de Bruno Morey et surtout eh bien cette question évidemment de l'interprétation des traces qui peut amener à comprendre quelle crise, comme vous venez de le dire, Georges Guillescuré, est à l'origine, à un moment donné, dans un groupe donné, d'une pratique cannibale. You have a heart, I have a key. Lie back and let me unlock you. Seasons you hang with down by the sea. All they wanna do is defrock you. On a river where we can dream. Swell up, burst its banks, babe, and rock you. You're gonna dine with them cannibals. Sooner or later, dark. Il est cruel d'avoir coupé Nick Cave après aussi peu de secondes de musique et pourtant nous sommes déjà un peu en retard, alors il faut avancer. C'était Cannibals Hymn de Nick Cave and the Bad Seeds. Nous parlons de cannibalisme tout au long de cette heure en compagnie de Bruno Moreille, qui est directeur de recherche CNRS et docteur en anthropologie biologique à l'université de Bordeaux 1, et avec Georges Guillet-Scuret, qui est directeur de recherche CNRS et chercheur au centre Norbert Elias à Marseille. Mais tout de suite, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Camille Malderez. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en thèse à l'université de Rennes 2 et à l'université de l'État de Santa Catarina au Brésil. Vos travaux portent sur le regard croisé France-Brésil, échange et influence des mouvements anthropophages. Bienvenue à la recherche du montre en main. On vous écoute. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, du coup, j'ai commencé un doctorat en 2017. Donc, qui a pour titre « Regard croisé, France-Brésil, échange et influence des mouvements anthropophages », sous la direction de Sandrine Ferré de l'Université de Rennes 2 et Regina Melim, professeure à l'Université de Santa Catarina au Brésil. Donc, le manifeste anthropophage, qui est le texte fondateur du mouvement artistique et engagé, est écrit en 1928 par Oswald de Andrade, inspiré par la peinture Abaporu que lui avait offerte celle qui deviendra sa femme, la peintre brésilienne Tarsila do Amaral. Donc l'anthropophagie, qui par son étymologie vient du grec anthropos, être humain, et phagia, l'action de consommer, donc signifie l'acte cannibale, est l'une des pratiques reconnues au XVIe siècle à certaines communautés tupi-guarani qui peuplaient le Brésil. La tradition consistait à ingérer des petites quantités de chair humaine du guerrier le plus fort de la tribu vaincue pour en assimiler la force, donc par un acte symbolique mis en œuvre de manière rituelle. De cette tradition vient la dénomination du courant artistique anthropophage, qui se définit comme l'application métaphorique de ce rituel cannibale, mais appliqué au champ de la culture et des arts. Donc par l'acte de dévoration-assimilation de l'autre, Oswald de Andrade invoque un nouveau rapport du colonisé brésilien au colonisateur européen. Donc, ce qu'on peut illustrer à titre d'exemple par quelques phrases du manifeste, « Tupi or not Tupi, that is the question », donc en faisant référence aux tribus Tupi-Guarani brésiliennes, ou encore « M'intéresse ce qui n'est pas à moi, loi de l'homme, loi de l'anthropophage », ou « Nous voulons la révolution caraïbe, plus grande que la révolution française ». Donc ces mouvements anthropophages, ils sont construits en résistance à des périodes totalitaires au Brésil. Dans un premier temps, l'Estado Novo de Getúlio Vargas de 30 à 45, ou encore la dictature militaire de 64 à 85, dénonçant également la suprématie des cultures européennes et d'Amérique du Nord, tout en affirmant l'identité brésilienne à travers ses racines issues des peuples autochtones et de la culture afro-brésilienne des descendants d'esclaves. Parmi les artistes les plus connus de nos jours et acteurs de cette pensée anthropophage, on peut citer la Tropicalia, les musiciens de la Tropicalia avec Caetano Veloso, Maria Bethania, Gal Costa et Gilberto Gil, ou le Cinéma Novo de Glauber Rocha, ou encore en art plastique, les néoconcrétistes comme Elio Oiticica, Ligia Clark et Ligia Pape. Donc, étant donné le contexte de crise politique brésilienne depuis les manifestations de 2013, et s'ensuit le coup d'État contre Dilma Rousseff en 2016, l'emprisonnement politique de Lula pour l'évincer des élections en avril 2018, ou à la même période l'assassinat de la conseillère municipale Marielle Franco, puis l'élection du président d'extrême droite Jair Bolsonaro il y a à peu près un an, mes recherches questionnent donc l'émergence d'un nouveau mouvement anthropophage et en quoi celui-ci pourrait s'affranchir de ses frontières brésiliennes. Donc, à la lumière des échanges et influences passées entre artistes français et brésiliens, j'étudie comment ces derniers dialoguent de nos jours au travers de trois axes transversaux que sont décolonisation, matriarcat et féminisme, identité et migration. Et enfin, comme je suis en doctorat d'art plastique, au-delà de la rédaction d'une thèse, il y a une production artistique qui est attendu. Donc je développe en parallèle une démarche artistique via un projet audiovisuel qui se voudra l'écho de mes recherches. Merci beaucoup Camille Malderès pour cette présentation qui me permet de poursuivre notre conversation avec vous Georges Guy-Escuré sur cette question centrale, finalement ce tuilage entre la paléoanthropologie, l'ethnologie et sur la question évidemment de l'interprétation, le cannibalisme. Oui, on a cru comprendre que dans la plupart des cas, on penchait plutôt, ou en tout cas les analyses actuelles penchaient plutôt vers un cannibalisme de crise, c'est-à-dire et non pas un cannibalisme systémique. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour interpréter, pour savoir à quoi tiennent ces pratiques cannibales ? Eh bien, en anthropologie, il faut avoir beaucoup de données sur les contextes. Il faut aussi faire une analyse des témoignages. Finalement, vous avez beaucoup de témoignages qui ne sont pas recevables parce qu'ils sont en quelque sorte préfabriqués. Et les témoignages les plus intéressants, même quand ils sont hostiles, même quand ils sont méprisants, c'est le moment où le témoin manifeste une surprise, quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Comme assez souvent le fait que dans des sociétés dites primitives, il y a un choix au départ, l'ennemi capturé va être ou bien mangé ou bien adopté. Et ça a sidéré évidemment beaucoup de gens. Et puis alors sur les questions alimentaires, alors là il y a eu chez nous aussi pas mal d'analyses qui ont été aux confins du délire. J'en pense notamment à une qui s'est produite en 1960 et qui a eu une discussion pendant plusieurs années. On a calculé le nombre la proportion de protéines alimentaires que pouvait amener la consommation d'un corps humain. Et alors, il y a eu une étude tout à fait sérieuse en apparence, qui a dit, si un groupe humain en Nouvelle-Guinée mange un homme par semaine, il obtiendra 35% besoin en protéines. C'est quand même beaucoup. Et les gens qui ont fait cette analyse travaillaient sur des groupes entre 60 et 100 individus. Et ils n'ont pas un instant réalisé que si un groupe de 60 à 100 individus mange un homme par semaine, à l'échelon de la population, ça va faire une mortalité de 50% par an. Donc, les besoins alimentaires, on en revient au problème de la démographie que je disais tout à l'heure. Si effectivement les hommes se mangent les uns les autres et qu'ils le font assez efficacement pour obtenir 35% de besoin de la protéine, c'est simple, l'espèce humaine a cessé d'exister il y a 1 million d'années. Bruno Moreil, en paléoanthropologie, sur les sites, est-ce qu'il y a des indices, est-ce qu'il y a des traces qui peuvent faire pencher la balance pour un cannibalisme rituel, comme on a pu l'entendre, c'est-à-dire ce qu'on appelle ce cannibalisme exogène, où on irait manger, s'approprier le corps des guerriers ou des ennemis vaincus, des choses comme ça? Certainement pour les périodes récentes de la préhistoire. Dès qu'on va avoir des assemblages archéo-anthropologiques conséquents, cette hypothèse pourra être proposée parce qu'à nouveau la fonction de site et la nature de l'assemblage va permettre d'investir cette question de cannibalisme rituel. Je pense par exemple au site d'Erxheim dans le Palatinat allemand où on a des milliers probablement d'individus qui ont été traités. Ces gisements étaient considérés comme des lieux de culte. Bruno Boulestin et ses collègues chercheurs allemands ont démontré que les restes humains étaient bien la conséquence d'activités cannibales. Il y a probablement du rituel derrière cela, et du rituel très fort. D'ailleurs, qui peut être associé à une période de crise. On est à la fin du néolithique moyen, il y a des changements qui se produisent. Quand on remonte le temps, pour le paléolithique supérieur, pour donc les hommes anatomiquement modernes, on va dire nos ancêtres cro-magnons, entre guillemets. Donc sapiens. Sapiens. Et pour les néandertaliens, on va pas avoir généralement d'assemblages archéologiques qui nous permettent réellement d'investir cette question. Et c'est en fonction de la nature des gisements que l'on va fouiller, des fonctions de site, que l'on va pouvoir se demander si on est en présence de cannibalisme plutôt rituel ou de cannibalisme plutôt alimentaire. Quel type d'indice peut faire pencher balance dans ces cas-là? Eh bien, par exemple, si vous trouvez des vestiges humains dans un environnement où on sait que les hommes ont vécu longtemps, ce qu'on appelle des sites d'habitat, ou des lieux de vie résidentiels, et si vous avez suffisamment de traces sur les restes humains pour aller vers l'hypothèse du cannibalisme, on peut penser plutôt que c'est un cannibalisme d'ordre symbolique, rituel, parce que les hommes de ces périodes-là ne consommaient probablement pas de la chair humaine comme ils consommaient la chair d'autres gibiers potentiels. Pas de manière alimentaire, voilà. Si, peut-être de manière alimentaire, mais ils étaient capables de faire une différence dans la consommation de ces protéines. Par contre, si vous trouvez un gisement où finalement les restes humains ont été traités exactement comme la faune, abandonnée comme la faune, puis après charognée par les grands carnivores de l'époque, c'est le gisement que j'ai eu la chance de fouiller qui s'appelle les Pradelles en Charente, à côté de la Rochefoucauld, eh bien on peut proposer plutôt l'hypothèse d'un cannibalisme d'ordre diététique, alimentaire. Finalement, on consomme son contemporain, parce que c'est une source de nourriture comme une autre. Bien que ces gisements vont vous livrer, dans le cas du gisement que j'ai fouillé, les Pradelles, des centaines de restes d'individus, de rennes différents, et qui prouvent que ces néandertaliens-là ne souffraient pas de problème d'acquisition de ressources alimentaires, et qui savaient même la stocker, cette ressource alimentaire. D'accord, donc ce qui est intéressant, c'est que sur ce site-là, ça signifie qu'on s'éloignerait plutôt de l'idée d'un cannibalisme de crise, c'est-à-dire manque de ressources alimentaires, oui. Et que ce serait finalement une composante parmi tant d'autres de l'alimentation et d'une alimentation diversifiée. Complètement. Dans ce gisement, avec l'équipe scientifique, on continue à travailler sur cette question parce que vous doutez qu'on n'est pas d'accord entre nous la nature de ce cannibalisme et ses causes. Et on a essayé d'explorer, d'avancer en tentant de trouver de l'ADN ancien pour savoir si les individus qui avaient été mangés étaient apparentés. Malheureusement, les conditions sédimentologiques n'ont pas permis ces découvertes. Là, on travaille sur les isotopes du carbone et de l'azote pour discuter le niveau de trophique, c'est-à-dire comment l'homme se place par rapport aux autres consommateurs de viande et aux herbivores. On travaille sur les isotopes du strontium pour savoir si les individus avaient grandi dans cet environnement-là ou pas. Et c'est en croisant toutes ces données qu'on va peut-être orienter une partie de l'hypothèse. Actuellement, selon moi, mais à nouveau, je suis pas sûr que tous les membres de l'équipe scientifique partageraient cette idée. Je pense effectivement qu'on n'est pas dans une situation de crise dans ce gisement-là. Et c'est une vraie question de savoir pourquoi ces Néandertaliens ont traité certains de leurs contemporains de cette façon-là. On a un tout petit enfant, on a un demi, on a des adultes d'âge avancé, très vieux. Généralement, n'importe quel groupe de chasseurs-cueilleurs va adopter un tout petit enfant, il va pas le consommer. J'aimerais qu'on examine peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre, Georges Guy Escuret, justement à cette discrimination et à ces différentes interprétations dont on voit qu'elle prête encore à un certain nombre de débats, y compris au sein des équipes qui travaillent dessus, ce qui est, je trouve, à titre personnel, assez passionnant. Tout à fait, mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'on arrive enfin à avoir des discussions interdisciplinaires sur ces sujets-là, et elles seraient complexes. On a par exemple des données primatologiques qui sont importantes. Chez les chimpanzés, le rapport à la mort est devenu tout à fait surprenant quand on a vu qu'il y avait des comportements de deuil. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais la mort est un événement traumatisant pour un groupe de chimpanzés. Donc, les hypothèses concernant une relation psychologique, sinon culturelle, à la mort peuvent remonter très loin. Par ailleurs, vous avez aussi d'autres cas qui sont importants. Pierre Robbe, qui est un spécialiste des Inuits, me disait qu'il avait reçu des témoignages où, dans un groupe d'Esquimaux qui sont en général très bien nourris, qui ont une consommation, mais il peut y avoir une crise, et une crise, ça peut durer un mois, deux mois. Et en un mois, deux mois, on peut mourir de faim. Même si pendant tout le reste de la vie, on a une alimentation correcte. Et le témoignage disait qu'un vieillard qui était sur le point de mourir disait « Ne faites pas la bêtise de ne pas utiliser mon corps. Mangez-le, ça vous aidera à tenir. » Vous voyez, donc on a des tas de scénarios possibles. Et pour pouvoir aider les préhistoriens à faire des listes de scénarios possibles, il faudrait que le dialogue se recommence, en fait. Alors, pour conclure justement, et parmi ces hypothèses nombreuses, diverses, variées, on en trouve une récente qui lie la pratique cannibale avec des évolutions du climat, notamment avec un refroidissement du climat, et donc avec ça ne va pas dans le sens de ce que vous venez de nous dire, Bruno Moreil, mais qui dit que voilà, finalement, bien certaines espèces du genre Homo se seraient rabattues sur le cannibalisme faute de gibier face à la migration des espèces, notamment des grands mammifères. Est-ce que c'est une hypothèse qui est intéressante à creuser ou... toutes les hypothèses sont intéressantes à creuser à partir du moment où elles sont présentées scientifiquement. Vous l'avez dit, on a la même hypothèse est présentée en fonction de conditions environnementales très différentes. Des personnes vont vous proposer l'hypothèse que quand il faisait très froid, on l'a entendu avec Amélie, on mangeait peut-être son contemporain. Une étude très récente a proposé l'inverse sur la base du gisement de la bombe Moulagersi, qui se situe dans une période très très chaude, tempérée. Dans la vallée du Rhône, où les collègues qui ont publié ce gisement ont considéré que parce qu'on avait la fermeture d'environnement, des forêts, des cervidés, plus les animaux migrateurs, les néandertaliens n'étant pas tellement capables de s'adapter à cet environnement, avaient consommé leurs contemporains. Moi, je ne trouve pas cette étude satisfaisante pour proposer cette hypothèse-là. Je pense qu'il y a il y a toujours eu du cannibalisme chez l'homme préhistorique. Il y a probablement des causes très différentes de ces cannibalismes-là. Et pour pouvoir investir les causes, il faut bien fouiller les sites, bien les interpréter et pas s'arrêter à qu'est-ce que nous apprennent les restes humains. Une autre hypothèse que je voudrais vous soumettre, on parle d'un rôle du cannibalisme, notamment dans des extinctions d'espèces. On parle d'intercannibalisme. Est-ce que la pratique cannibale d'Homo sapiens sur Néandertal aurait pu causer, non pas son extinction de A à Z, mais être un élément qui aurait contribué à la diminution démographique qu'évoquait tout à l'heure Georges Guillet-Scuret? Ça n'a pas été réellement présenté scientifiquement, cette hypothèse-là. L'hypothèse, en revanche, quelqu'un qui l'a fait, mais ça, c'est tout, on peut tout trouver. D'accord. Mais on a présenté l'hypothèse que les Néandertaliens, étant cannibales très fréquemment, pouvaient souffrir de pathologies de type Creutzfeldt-Jakob, et que la maladie à prion, que ça aurait entraîné un effondrement démographique de ces populations-là. Les données archéologiques ne vont pas du tout dans ce sens-là, ni paléoanthropologiques. On a énormément de vestiges néandertaliens très récents, peu de temps avant qu'ils ne disparaissent. Georges Guillet-Scuret, pour conclure. Alors, il se trouve que quand on parle d'écologie, quand on parle de climatologie, c'est un peu de ça, il y a quelque chose qu'il faut éviter de faire, ce sont des relations de cause à effet immédiates. Effectivement, le cas de l'homme de Néandertal serait mort parce qu'il était cannibale, c'est apparu au moment de la vache folle. Je disais même parce qu'il aurait été, parce que sa population aurait été consommée par Sapiens en partie, et donc ça aurait diminué le taux de renouvellement de la population, c'est une autre hypothèse. Voilà. C'est de ça dont je parlais. Mais bon, en gros, quand vous parlez de crise climatique, une crise climatique, c'est pas une crise. Vous avez eu le cas dans un reportage que vous avez donné, paludisme et déforestation. Mm-hmm. Oui, mais il y a des tas de relations entre les deux qu'il faut pouvoir complètement décrypter. Ce serait la même chose entre le climat et le cannibalisme. Les Anasazis sont devenus cannibales après une crise climatique. Mais la crise climatique, elle a été aussi une crise sociale, une crise historique, une crise de gestion de l'environnement. Et tout ça, ça fait un faisceau de phénomènes. Il n'y a pas une relation directe, climat, cannibalisme. Un mot de conclusion, Bruno Morel, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait permettre justement de continuer, est-ce que, en tout cas de trancher un certain nombre de ces controverses, y compris au sein de votre équipe, ou en tout cas peut-être suivre ce que vient de dire Georges Guillet-Scuret, faire un peu plus de transversalité en interdiscipline pour mieux comprendre et mieux cerner ce phénomène? Oui, je rejoins complètement son analyse. Nous, on ne va pas assez vers les travaux de nos collègues qui travaillent sur ces périodes très récentes. On va vous laisser vos numéros de téléphone respectifs. Non, je connais ces ouvrages et je les ai lus. J'en lis beaucoup sur ce sujet. Il faut que les données de la paléogénétique nous permettent aussi de répondre à ces questions. Il faut qu'on croise tous les champs disciplinaires pour pouvoir avancer et on réussira. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci à tous les trois d'ailleurs. Merci Camille Melderes d'être venue nous présenter vos travaux. Merci Georges Guillet-Scuret. On peut vous lire dans Structures sociales et systèmes naturels. C'est aux éditions ISTE ou IS. Bruno Morel, merci également. On peut vous lire dans Origine de l'humanité, les nouveaux scénarios. C'est aux éditions La ville qui brûle. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Merci beaucoup à toute l'équipe de la méthode scientifique, avec Étienne Antoine Beauchamp, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation, Élise Le à la technique. Demain, c'est l'émission tant attendue, celle que vous nous réclamez depuis 4 ans. Pour ce vendredi fiction, nous parlerons de ce qui est certainement la meilleure série de science-fiction d'histoire de la galaxie, de sa première version en 1978, de son remake en 2003, des 4 saisons qui en découlent, jusqu'à peut-être une future adaptation en série ou au cinéma dans les années à venir. C'est une émission spéciale Battlestar Galactica avec quelques jolies surprises que nous vous réservons demain à 16h. So say we all.